tes autres, ça qui te rive moins. Histoire d'aller la c'est trop, moins de couillonne comme moi. Prends de l'eau moussage poulet et braille, tout en m'en fait chimbé. Pendant qu'on la balette, juste en bande, la tique la pété. M'a rencontré Lucie un jour, la fête trop belle. Il était vraiment joli, nous danser et nous brer. M'a senti moins t'es fort, aïe, pas t'es périvé nous. M'a mené la pointe fort pour nous démélanger que nous. Oh Lucie, oh Lucie, t'es con anti-point, piment dans la vie. De tes moments qu'on t'a là, pas qu'à n'y a c'est ici bas. De tes moments qu'on t'a là, tout le monde t'es pognon comme ça. Lucie, Lucie, les ouverts ou dis-moi faut compatir. Échafaudage de gringolé, bombe sirop à crever. Tout le reste dans la vie moi pas dit pour moi. Ça fait la vie qui est toujours bas, l'occasion espérée.